Le tour du monde en 80 jours. Lorsque Phileas Fogg fait le pari d'effectuer le tour du monde en 80 jours, il ne se doute guère des incroyables aventures qui l'attendent au cours de son fabuleux périple. Mais écoutons comment tout cela a commencé. Phileas Fogg habite une maison à Londres, au 7 de la rue Savile Row. Mais pourquoi ne la quitte-t-il que pour se rendre au Reform Club dont il est un membre éminent? Tout le monde l'ignore, car cet homme est le plus énigmatique des Anglais. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est l'un des plus beaux gentlemen de la haute société et qu'il n'a ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Est-il riche? Certainement. Mais on ignore comment il a fait fortune. A-t-il voyagé? Probablement, car personne mieux que lui ne connaît la carte du monde. Ses seuls passe-temps, lire les journaux et jouer au whist. Un domestique suffit à le servir, car il déjeune et dîne à son club chaque jour aux mêmes heures et à la même table, puis rentre à minuit. Si son serviteur n'a qu'un travail réduit, Phileas Fogg exige néanmoins de lui une ponctualité et une régularité extraordinaires. Hélas, le 2 octobre au matin, son domestique commet une erreur que son maître lui fait calmement remarquer. « James, vous m'avez apporté pour ma barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86, comme il le fallait. » Et le domestique est aussitôt congédié. Contrairement aux autres jours où ce gentleman quitte sa maison à 11h30 précise pour se rendre à son club, aujourd'hui, Phileas Fogg attend un nouveau serviteur. Soudain, on frappe à la porte. Un garçon âgé d'une trentaine d'années s'avance. Phileas Fogg lui demande « Vous êtes français et vous vous nommez John ?» Le jeune homme précise aussitôt « Jean, monsieur, Jean Passepartout. Ce surnom m'est resté car je sais bien me débrouiller. Je crois être un honnête garçon, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai quitté la France il y a 5 ans et je suis en Angleterre où je voudrais avoir une vie de famille. J'étais sans travail et je viens d'apprendre que vous êtes l'homme le plus exact et le plus sédentaire du pays. Je me présente donc chez vous avec l'espoir d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. Passepartout me convient. Vous m'êtes recommandé et j'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h25, monsieur. Vous retardez de 4 minutes. Ne l'oubliez pas, c'est important. Donc, à partir de ce moment, 11h29 minutes du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cette précision apportée, Phileas Fogg se rend à son club sans dire un mot de plus, laissant Passepartout seul dans la maison. Le domestique commence alors aussitôt son inspection, puis monte à sa chambre. Là, à côté du réveil, il remarque une notice. C'est le programme du service quotidien minute par minute. Passepartout se frotte les mains et répète joyeusement « Cela me va! Nous nous entendrons parfaitement, monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » En sortant de chez lui, Phileas Fogg a, comme tous les jours, placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit. Le voici arrivé au Reform Club et sans un mot, il s'installe à sa table pour déjeuner. À 12h47, il lit tous les journaux, de la première ligne à la dernière. Plus tard, vient l'heure du dîner et enfin son rendez-vous avec 5 autres membres du club, tous joueurs enragés de whist et fidèles partenaires. Mais ce soir, en commençant la partie, ils parlent tous de la même chose. On a volé 55 000 livres à la Banque d'Angleterre. L'un d'eux demande à un banquier présent. Eh bien, Ralph, où en est cette affaire de vol? J'espère que nous mettrons la main sur le voleur. Des policiers ont été envoyés dans tous les grands ports d'Europe et d'Amérique. Nous avons son signalement, et il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Mais un autre joueur réplique. Oh, vous savez, la terre est assez vaste. À ces mots, Phileas Fogg lance à voix basse. Elle l'était, autrefois. Intrigué, le cinquième joueur s'exclame. Comment autrefois? Est-ce que la terre a diminué par hasard? Tout en jouant une carte, le banquier précise. Sans doute. Je suis de l'avis de M. Fogg. La Terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Ainsi, aujourd'hui, on fait le tour du monde en 3 mois. Le plus calmement du monde, Phileas Fogg rectifie. En 80 jours seulement. Regardez, tout est indiqué dans le journal. Le banquier reconnaît tout de suite. C'est vrai en théorie, monsieur. Mais c'est sans compter le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements. Les autres joueurs approuvent les propos du banquier, mais Phileas Fogg confirme sans sourciller. Dans la pratique aussi, c'est possible. Agacé devant tant d'obstination, l'un des joueurs le met au défi. Nous sommes prêts à parier 4000 livres chacun qu'un tel voyage est impossible. Pour faire le tour du monde en si peu de temps, il faut sauter du bateau dans le train et du train dans le bateau. Eh bien, je sauterai, messieurs. Je relève le défi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 2 octobre. Le train de Douvres part à 20h45. Je le prendrai. Vous êtes 5. Je vous laisse donc un chèque de 20 000 livres. Je reviendrai dans cette même salle du Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Faute de quoi, vous pourrez aller à la banque prendre l'argent. Êtes-vous d'accord? Abasourdi de cette détermination, ses partenaires s'exclament. Oui, tout à fait, monsieur Fogg. Le gentleman n'a certainement pas parié pour gagner. S'il a engagé la moitié de sa fortune, c'est parce qu'il sait qu'il aura besoin de l'autre moitié pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire impossible, projet. Et c'est exceptionnellement qu'il rentre chez lui à 7h50 du soir. Passepartout, qui a consciencieusement étudié son programme, est très surpris de le voir si tôt. D'une voix posée, le gentleman lui annonce « Nous partons dans 10 minutes pour la France. » Passepartout n'en croit pas ses oreilles. « Monsieur se déplace ?» Oui, nous allons faire le tour du monde. Le domestique n'en revient pas. A-t-il affaire à un fou? Tout en préparant son sac, il lâche en colère. Ah, eh bien, elle est forte, celle-là. Et moi qui voulais rester tranquille. À 8h, tout est prêt. Phileas Fogg glisse une grosse liasse de billets dans le sac de Passepartout et lui recommande. Prenez-en soin. Il y a 20 000 livres dedans. À ces mots, le sac manque échapper des mains du Français. Sur le quai de la gare, Phileas Fogg aperçoit ses 5 partenaires du Reform Club. Messieurs, je pars. Et les divers visas apposés sur mon passeport vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. Le train roule dans la nuit noire. Phileas Fogg ne parle pas et Passepartout, encore stupéfait, presse contre lui le sac plein d'argent. En quittant Londres, le gentleman ne se doute guère du grand retentissement qui a provoqué son départ. La nouvelle du pari s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Angleterre et chacun se met à parier. Mais un jour, la police reçoit ce télégramme. J'ai trouvé le voleur de la Banque d'Angleterre. Il se nomme Phileas Fogg, envoyé sans retard, mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Signé, fixe, détective. L'effet de cette dépêche est immédiat. Tous les Anglais qui croyaient voir en Phileas Fogg un gentleman audacieux pensent maintenant avoir affaire à un voleur. D'ailleurs, son côté mystérieux et son départ subi sont là pour le confirmer. Mais essayons de comprendre pourquoi cette dépêche a été télégraphiée à Londres. Le mercredi 9 octobre, le paquebot Mongolia, qui vient d'Italie, fait une halte à Suez, en Égypte. Sur le quai, un homme attend. Il est petit, maigre, avec une figure assez intelligente. C'est Fix, un des policiers anglais envoyés dans les différents ports étrangers à la recherche du voleur de la Banque d'Angleterre. Tandis qu'il examine tous les voyageurs qui descendent du bateau, il est accosté par Passepartout qui lui demande où se trouve le consulat anglais, car il doit faire viser le passeport de son maître. Instinctivement, Fix jette un coup d'œil sur le passeport et en lit le signalement. Il est identique à celui du voleur. Aussitôt, le détective annonce à Passepartout. Il faut que votre maître se présente en personne au bureau du consulat afin d'établir son identité. Tandis que Passepartout retourne à bord du Mongolia prévenir son maître, Fix se précipite au consulat pour convaincre les fonctionnaires de retenir Phileas Fogg. Seulement voilà, sans mandat d'arrestation, le consul ne peut rien faire. Et lorsque le gentleman et Passepartout se présentent, Il appose son cachet sur le visa, puis laisse partir les voyageurs. Fix est déçu, mais il ne se décourage pas pour autant. Il décide de s'embarquer à son tour sur le Mongolia, direction l'Inde. Et avant de partir, il télégraphie donc à Londres la fameuse dépêche. Une fois retourné dans sa cabine, Phileas Fogg inscrit soigneusement sur son carnet les horaires de son voyage, les pertes et les gains de temps. Quant à Passepartout, il vient de rencontrer le détective et discute avec lui. Fix en profite pour le cuisiner. Mais où donc va votre maître? Toujours devant lui. Il fait le tour du monde en 80 jours. À Paris, dit-il. Mais je n'en crois rien. Ce voyage cache autre chose. Sans rien laisser paraître, le détective poursuit. Il est donc riche? Évidemment. Il a avec lui une jolie somme. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivions à Bombay avec une belle avance. À ces mots, Fix est sûr de tenir son homme. La traversée de la mer Rouge est houleuse. Le Mongolia tangue et la plupart des passagers sont malades, excepté Phileas Fogg, qui, comme si de rien n'était, prend ses repas aux heures habituelles. Enfin, le dimanche 20 octobre, à 4h30 de l'après-midi, et avec deux jours d'avance, les passagers posent le pied sur le sol indien. Aussitôt, Fix court chez le directeur de la police, mais le mandat d'arrestation n'est pas encore arrivé. Il n'a donc plus qu'une chose à faire, attendre, et suivre pas à pas son voleur. Sur le quai, Phileas Fogg donne à Passepartout une liste de courses à faire et lui recommande expressément de se trouver avant 8 heures à la gare, puis, de son pas régulier, il se dirige vers le bureau des passeports. Passepartout commence à se demander si ce pari n'est pas vraiment sérieux et si la fatalité ne va pas l'entraîner, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En passant devant un temple, Passepartout a la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur avec ses chaussures. Hélas, en Inde, c'est formellement interdit. Aussitôt, trois prêtres furieux se précipitent sur lui, arrachent ses souliers et ses chaussettes et commencent à le rouer de coups. Le Français réussit à s'enfuir, mais il arrive 5 minutes avant le départ du train, pieds nus et sans avoir fait la moindre course. Tout en prenant place dans un wagon, Phileas Fogg écoute le récit de son domestique, puis il lui répond simplement « J'espère que cela ne vous arrivera plus. » Fix, lui, s'est discrètement posté sur le quai. Il n'a pas lâché d'un pouce le gentleman, et en entendant la mésaventure de Passepartout, il murmure entre ses dents. Bien, je reste ici. Ce garçon vient de commettre un délit sur le territoire indien. Je tiens mon homme. Soudain, la locomotive lance un vigoureux sifflet, et le train disparaît dans la nuit. Maintenant que le train file à toute vapeur à travers l'Inde, Passepartout croit à la réalité du pari et s'inquiète du moindre retard. Hélas, le 22 octobre au matin, le train s'arrête au milieu d'une clairière, faute de rails. En effet, les travaux du chemin de fer s'arrêtent là. Alors que Phileas Fogg s'apprête à rejoindre la gare suivante à pied, Passepartout lui annonce « Monsieur, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. » « Lequel ?»« Un éléphant. Il appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. » D'un pas assuré, Phileas Fogg suit son domestique et achète l'animal à prix d'or, puis engage un guide. Sur le dos de l'éléphant, le gentleman et son domestique traversent des forêts sans rencontrer le moindre accident. Mais l'après-midi du deuxième jour, l'éléphant donne quelques signes d'inquiétude et s'arrête. On entend un murmure confus. Le guide attache alors l'animal à un arbre et s'enfonce dans la forêt. Quelques minutes plus tard, il revient en disant « Évitons d'être vu. » Le guide recommande aussitôt à Phileas Fogg et à Passepartout de ne pas mettre pied à terre. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapproche. Ils aperçoivent bientôt une curieuse procession d'hommes, de femmes et d'enfants qui chantent un hymne funèbre. Derrière eux, apparaît sur un char une statue hideuse. Elle a 4 bras, son corps est colorié de rouge, ses yeux sont hagards, ses lèvres noires. Autour d'elle, des hommes dansent, puis quelques prêtres, dans des costumes somptueux, traînent une belle jeune femme couverte de bijoux. Enfin, des gardes armés ferment la procession en portant la dépouille d'un vieillard. Devant l'air interrogateur de ces voyageurs, le guide leur chuchote. C'est un sacrifice humain. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. Passepartout est indigné. Oh, la malheureuse! Plus mesuré, Phileas Fogg demande au guide. Et ce cadavre? C'est celui du prince, son mari. Dans cette région, la coutume est de brûler les morts. Et si le mort est marié, son épouse doit elle aussi être brûlée. Surpris du calme de la jeune femme, Phileas Fogg s'étonne. Mais elle semble se laisser faire. C'est parce qu'on l'a obligée à fumer de l'opium. Elle n'est pas dans son état normal. Elle va passer la nuit dans un temple en attendant l'heure du sacrifice qui aura lieu à l'aube. Avec le plus grand sang-froid, Phileas Fogg annonce. Si nous sauvions cette femme, j'ai encore 12 heures d'avance. Je peux les consacrer à cela. Passepartout est exalté. Lui qui croyait que son maître n'avait pas de cœur, le voilà prêt à risquer sa vie. Le guide donne rapidement des détails sur la jeune femme. C'est une indienne d'une beauté célèbre, fille de riches négociants de Bombay. Elle se nomme Aouda, mais une fois orpheline, elle a été obligée d'épouser ce prince et la voilà condamnée à être brûlée. Bien décidé à la sauver, les trois hommes suivent la foule jusqu'au bûcher. On couche la jeune femme près du corps de son mari, puis on enflamme le bois. Soudain, la foule pousse un cri de terreur. Voilà le mort qui se redresse, prend la jeune femme dans ses bras et descend du bûcher. Puis, se précipitant vers Phileas Fogg, il lance d'une voix brève. Filons ! C'est Passepartout. Il a profité des derniers moments d'obscurité pour se glisser sous le bûcher et arracher la jeune femme à la mort. À dos d'éléphant, ils disparaissent tous dans les bois, évitant de justesse les flèches de la foule en colère. Avec quelques minutes d'avance, le guide dépose ses trois voyageurs à la gare pour rejoindre Calcutta. Avant de monter dans le train, Phileas Fogg s'avance vers lui pour le remercier. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant? Il est à toi. À ces mots, les yeux du guide se mettent à briller. C'est une fortune que votre honneur me donne. Dans le compartiment, la jeune femme revient à elle lentement. Quel n'est pas son étonnement de se trouver dans un train et avec des voyageurs qui lui sont totalement inconnus. Après avoir écouté leur récit, elle les remercie de tout son cœur, mais s'inquiète du sort qui l'attend si elle reste sur le territoire indien. Phileas Fogg lui propose alors de la conduire à Hong Kong, en Chine, où elle a un parent. Comme l'a prévu Phileas Fogg, le train arrive enfin à Calcutta le 25 octobre à 7h du matin. 23 jours après avoir quitté Londres, il n'a donc ni retard ni avance. Le gentleman s'apprête à quitter la gare pour rejoindre le paquebot de Hong Kong quand un policier s'avance. Monsieur Phileas Fogg? C'est moi. En voyant Passepartout, le policier ajoute. Cet homme est votre domestique? Oui. Veuillez me suivre tous les deux. Vous êtes attendus au tribunal. Passepartout est sur le point de protester, mais son maître lui fait signe d'obéir. Le gentleman demande juste si la jeune femme peut les accompagner, ce que le policier accepte aussitôt. Ne parvenant pas à cacher son émotion, la jeune femme chuchote à Phileas Fogg. Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. Impassible, le gentleman lui répond qu'il la conduira comme prévu à Hong Kong. Arrivé au tribunal, les voyageurs aperçoivent trois prêtres. Le juge prend alors la parole. Messieurs, ces prêtres vous accusent d'avoir commis un sacrilège en violant un temple. Tout en consultant sa montre, Phileas Fogg déclare. Oui, monsieur, j'avoue. Mais j'attends qu'ils avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode. Très en colère, Passepartout s'écrie aussitôt. Ils voulaient brûler leurs victimes. Les prêtres sont stupéfaits et le juge, très étonné, demande. Quelle victime? Brûler qui? En pleine ville de Bombay? À son tour intrigué, Passepartout réplique au juge. Bombay? Mais oui, bien sûr, dans la grande pagode de Bombay. Et voici les souliers du profanateur. En voyant les chaussures posées sur le bureau, Passepartout comprend tout de suite à quel incident le juge fait allusion. Son maître et lui l'avaient tout simplement oublié. Mais le juge poursuit. Puisque les faits sont avoués, je condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison. Et, attendu que le maître ait tenu responsable des faits et gestes de son serviteur, je condamne le dit Phileas Fogg à 8 jours de prison.